Bonjour, je m'appelle Lucie Roy. Je vais vous présenter un artiste au nom de Wim Delvoye. Il est un artiste plasticien belge né le 14 janvier 1965 à Warwick, en Flandre occidentale. Il vit et travaille aujourd'hui à Gand, lieu où il a également fait ses études en beaux-arts durant les années 1980. C'est un artiste qui choque et interpelle, mélangeant les thèmes et les sujets, abordant la politique, le religieux, la sexualité ou encore les problèmes de la société. Il se fait connaître par le grand public en 2000 avec la création du Cloaca. Il se qualifie comme un artiste régional. Défenseur de l'artisanat, il explore et interroge les racines de ses propres cultures, car il semble ancré à son territoire et son art reflète bien ce point-là. L'une de ses œuvres, qui a d'ailleurs été mentionnée plus tôt, le Cloaca, est une machine représentant un tube digestif humain géant et fonctionnel. Delvoye a commencé à la dessiner en 1992 et sera fini en 2002 pour être présenté tout d'abord au Muséum van Edendaagse Kunst Antwerpen à Anvers. Depuis, Cloaca fait le tour du monde. Elle est allée à Zurich et Vienne en 2001, Düsseldorf et New York en 2002, Toronto et Prato en 2004, etc. Il existe diverses versions de la machine. Cloaca ingère des aliments, souvent donnés par des traiteurs, et en ressort des excréments qui sont emballés sous vide et marqués par des logos qui pastichent ceux de Ford et Coca-Cola, pour ensuite les vendre à 1 000 $ pièce. Cette œuvre est à la fois absurde et inutile, et elle a également fait scandale, tout comme une autre de ses œuvres que je vais vous parler et qui a été faite un peu avant, en 1995. Les cochons tatoués. La réalisation débute avec un élevage de cochons à Pékin, alors qu'ils ne sont que des porcelets. Ils sont nourris et logés, puis ils seront tatoués sous anesthésie avec de différents motifs, tels que des logos de marques de luxe ou des représentations de personnages Disney. Ils seront mis en scène dans de nombreuses expositions, mais également vendus pour 65 000 euros. Cette œuvre ouvre un débat sur la question de l'exploitation animale et la société de consommation.